Genèse chapitre 30. Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de Léa, sa sœur, et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, autrement je suis morte. » Et Jacob se mit fort en colère contre Rachel, et lui dit, « Suis-je au lieu de Dieu, qui t'a empêché d'avoir des enfants ?» Et elle dit, « Voilà ma servante Bilha, va vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, et j'aurai des enfants par elle. » Elle lui donna donc Bilha, sa servante, pour femme, et Jacob vint vers elle. Et Bilha conçut, et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu a jugé en ma faveur, et il a aussi exaucé ma voix, et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle le nomma Dan. Et Bilha, servante de Rachel, conçut encore, et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, « J'ai fortement lutté contre ma sœur, aussi j'ai eu la victoire. » C'est pourquoi elle le nomma Nephtali. Alors Léa, voyant qu'elle avait cessé de faire des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna à Jacob pour femme. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Et Léa dit, « Une troupe est arrivée. » C'est pourquoi elle le nomma Ga. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit, « C'est pour me rendre heureuse, car les filles me diront bien heureuse. » C'est pourquoi elle le nomma Asé. Or Ruban, étant sorti au temps de la moisson des blés, trouva des mandragores au champ, et les apporta à Léa, sa mère, et Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Et elle lui répondit, « Est-ce peu de chose de m'avoir ôté mon mari, que tu m'ôtes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Qu'il couche donc cette nuit avec toi, pour les mandragores de ton fils. » Et quand Jacob revint des champs au soir, Léa sortit au devant de lui, et lui dit, « Tu viendras vers moi, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu exauça Léa, et elle conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et elle dit, « Dieu m'a récompensé, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » C'est pourquoi elle le nomma Issachar. Et Léa conçut encore, et enfanta un sixième fils à Jacob. Et Léa dit, « Dieu m'a donné un bon douaire, maintenant mon mari demeurera avec moi, car je lui ai enfanté six enfants. » C'est pourquoi elle le nomma Zabulon. Puis elle enfanta une fille, et la nomma Dina. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu, l'ayant exaucée, ouvrit sa matrice. Alors elle conçut, et enfanta un fils, et dit, « Dieu a ôté mon opprobre. » Et elle le nomma Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Et il arriva qu'après que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Donne-moi mon congé, et je m'en retournerai en mon lieu et en mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. » Et Laban lui répondit, « Écoute, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant toi, j'ai reconnu que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Il lui dit aussi, « Marque-moi quel salaire tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui répondit, « Tu sais ce, homme je t'ai servi, et ce qui est devenu ton bétail avec moi. Car ce que tu avais avant que je vinsse, était peu de choses, mais il est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni à mon arrivée, et maintenant, qu'en ferai-je aussi quelque chose pour ma maison ?» Et Laban lui dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien, mais je paîtrai encore tes troupeaux, et je les garderai, si tu fais ceci pour moi, que je passe aujourd'hui parmi tes troupeaux, et qu'on mette à part toutes les brebis picotées et tachetées, et tous les agneaux roux, et les chèvres tachetées et picotées, et ce sera là mon salaire. Et désormais ma justice rendra témoignage pour moi, car elle viendra sur mon salaire en ta présence, et tout ce qui ne sera point picoté ou tacheté entre les chèvres, et roux entre les agneaux, sera tenu pour un larcin s'il est trouvé chez moi. » Et Laban dit, « Voici, qu'il te soit fait comme tu l'as dit. » Et en ce jour-là il sépara les boucs marquetés et picotés, et toutes les chèvres picotées, tachetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tous les agneaux roux, Et il les mit entre les mains de ses fils. Et il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob paissait le reste des troupeaux de Laban. Mais Jacob prit des verges fraîches de peupliers, de coudriers et de châtaigniers, et en ôta les écorces en découvrant le blanc qui était aux verges. Et il mit les verges qu'il avait pelées au devant des troupeaux, dans les augers, dans les abreuvoirs où les brebis venaient boire, et elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les brebis donc entraient en chaleur à la vue des verges, et elles faisaient des brebis marquetées, picotées et tachetées. Et Jacob partagea les agneaux, et fit que les brebis du troupeau de Laban, avaient en vue les brebis marquetées, et tout ce qui était roux, et il mit ses troupeaux à part, et ne les mit point auprès des troupeaux de Laban. Et il arrivait que, toutes les fois que les brebis hâtives entraient en chaleur, Jacob mettait les verges, dans les abreuvoirs devant les yeux du troupeau, afin qu'elles entrassent en chaleur en regardant les verges. Mais quand les brebis étaient tardives, il ne les mettait point, et les tardives appartenaient à Laban, et les hâtives à Jacob. Ainsi cet homme s'accrut fort en bien, et eut de grands troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux, et des ânes.